بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc notre cours aujourd'hui, c'est le cours 55 dans l'explication de Kitab al-Tawhid, le charh de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh. Cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh, le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et maintenant, on est arrivé donc le chapitre Bab al-Dua ou ila shahadati Allah ilaha illallah. Donc, au dernier cours, on expliquait par rapport au verset que le Cheikh il a cité, c'est-à-dire قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Donc on va faire le tafsir, un petit tafsir résumé de ce verset aujourd'hui, inshallah. Donc le Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله, il explique ce verset-là et il dit: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس هذه سبيلي أي طريقتي ومنهجي الذي أسير عليه وهو الدعوة إلى الله عز وجل أدعو إلى الله أي إلى توحيده وعبادته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه الآية على بيان منهج الدعوة ومقوماتها وأنها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه. Donc on revient sur ce qu'on expliquait au dernier cours, que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager d'expliquer aux gens sa méthodologie et sa voie vis-à-vis de la da'wah. Donc il dit au messager, aux gens, hadihi sabili, c'est-à-dire voici ma voie, voici ma méthode, voici mon chemin sur lequel je marche, sur lequel j'avance. Ad'u ila Allah. Donc, son manhaj et sa voie et sa méthode, c'est d'inviter les gens à l'islam, d'inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et à son tawhid et à son adoration et à son obéissance et à l'obéissance de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et à délaisser ou à abandonner la désobéissance d'Allah et ainsi que la désobéissance envers son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce verset, il indique l'explication de la méthodologie de la da'wah et des choses qui ont rapport avec la da'wah du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son chemin, ainsi que sa voie, et la façon dont les gens qui le suivent doivent agir. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter juste à dire « nous sommes musulmans » et qu'on est sur l'islam. Mais il faut aussi, comme le messager d'Allah avait l'habitude d'inviter les hommes à Allah, eh bien nous aussi on doit prendre cette méthodologie-là et inviter nous aussi à Allah. Et parmi les versets, parmi les règles qui peuvent être expliquées par rapport à ce verset-là, le cheikh il en a mentionné 5. Hein? Je crois que c'est 5 exactement, 5 points. Donc, on va les expliquer. Le premier, le Cheikh, il dit « أولاً قوله إلى الله فيه وجوب الإخلاص في الدعوة وأن يكون قصد الداعية وجه الله عز وجل وليس الدعوة إلى نفسه أو تحصيل طمع من مطامع الدنيا كمدح الناس وثنائهم أو الوجاهة والمكانة في المجتمع أو الظهور والبروز بين الناس فإن الذي يدعو إلى هذه الأغراض أو الذي يدعو لهذه الأغراض لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه كما قال الشيخ رحمه الله في مسائله. Donc le cheikh il explique ici, il dit que premièrement, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit au Mohammed j'invite à Allah, quand il dit j'invite à Allah, ça montre l'obligation de faire preuve de ikhlas, de pureté dans l'intention, pureté dans les actions, pureté les œuvres. Que tu fasses en sorte que ton intention et tes actions et tes paroles soient uniquement le visage d'Allah et d'obtenir son agrément, rien d'autre. Hein? Pas de te faire, yani, faire, te faire faire des éloges hein, de la part des gens ou de faire en sorte que les gens disent de toi toutes sortes de belles, hein, de belles flatteries. Hein? Et pour commencer à te vanter et dire des choses à ton sujet. Ah, oh, tu es bien, ah, oh, tu es bon, ah, oh, tu parles bien, ah, oh, tu fais beaucoup de bien, ah, oh, tu aides beaucoup la religion, ah, oh, que Allah te récompense pour ça, hein, on t'aime beaucoup, et des choses comme ça. Si c'est pour cette raison-là que la personne fait la da'wah, parce qu'il cherche à obtenir de la part des gens ce genre de glorification et ce genre de flatterie, alors ça veut dire que ce qu'il fait, il ne le fait pas pour Allah. Et il n'aura pas de récompense pour la da'wah qu'il fait, parce que ce n'est pas pour Allah et ce n'est pas sincère. Ce n'est pas fait avec ikhlas. De même que si la personne, elle fait ça dans le but, hein, de par exemple, obtenir des choses qu'il convoite, parmi les choses qu'on convoite de la dunya, pour avoir de l'argent, pour avoir des biens, pour avoir des voitures, pour avoir des maisons. Hein. Vous voyez, par exemple, chez les soufis, hein, beaucoup d'entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils font des choses, puis ils reçoivent de la part de leurs fidèles ou de la part des gens toutes sortes de cadeaux, toutes sortes de biens. Vous allez voir, par exemple, dans les turq soufis, hein, dans certains pays, hein, ils donnent aux cheikhs, par exemple, des voitures, ils donnent aux cheikhs de l'argent, ils donnent aux cheikhs toutes sortes de choses. Hein. Donc, eux, en réalité, ils veulent obtenir de la part des gens ce genre de biens, ce genre de richesses, ce genre de cadeaux. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ils font beaucoup de leurs choses, qu'ils montrent ils essaient de jouer à la personne qui est pieuse. Ils essaient de faire semblant qu'ils sont hein, religieux et ils se donnent une image hein, de piété. Mais la réalité de ces gens-là, c'est le contraire de la piété. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui yani, suivent leur passion dans la religion. Ils font des bid'ah et ils adorent Allah selon leur passion. Je ne suis pas certain, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. Mohamed, si tu peux aller voir. Barakallahu fik. Également, le cheikh, il mentionne aussi les gens qui font la da'wah et qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir? C'est obtenir une position importante dans la société. Comme par exemple, tu peux lui ouvrir la porte? Oh, barakallahu fik. Donc, il y en a, par exemple, qui cherchent à obtenir un poste ou une position importante dans la société. Hein? Il veut, par exemple, devenir le mufti ou devenir yani, le cheikh vers lequel tout le monde va revenir pour poser des questions. Il veut que les gens se tournent vers lui. Il veut que les gens, yani, il veut que les gens viennent yani, et le respectent et lui montrent l'honneur et la glorification. Il veut que les gens lui donnent la première place. Lorsqu'il arrive, on lui cède sa place ou bien on le laisse s'asseoir en avant. Hein? Il veut être celui vers qui yani, tout le monde pointe le doigt pour dire « Ah, regardez, lui, il est important. » Si c'est pour ça que la personne fait la da'wah, hein, toutes ces raisons-là, si c'est pour se montrer, hein, eh bien, dans ce cas-là, yani, il veut avoir un statut important dans la société, il veut avoir de l'argent, il veut avoir des biens, il veut avoir des éloges. Ça veut dire qu'il n'appelle pas les gens à Allah. Il appelle les gens à lui-même, à sa propre personne. Hein? C'est ça la vérité. Cette personne, elle ne cherche pas le visage d'Allah. Elle cherche à appeler les gens à lui-même. Il veut appeler les gens à lui-même pour que les gens l'écoutent lui, hein? Pour que les gens l'entendent lui. Et les ulama, ils ont dit, parmi les exemples qu'ils ont mentionnés à ce sujet-là, ils disent, si par exemple, cette personne, quand par exemple, il entend quelqu'un d'autre qui appelle les gens à Allah et qui font la da'wah, s'il voit que les gens l'écoutent et qu'il ne l'écoute pas lui, il va être jaloux. Hein? Et il va être fâché. Il ne va pas aimer que les gens l'écoutent. Il veut pas que les gens écoutent quelqu'un d'autre que lui. Il veut juste que ce soit lui qui fasse la da'wa. Donc ça, c'est un des signes que la personne n'est pas sincère. Parce qu'au contraire, si tu vois ton frère qui fait la da'wa, hein, et qui a du ilm, et qui a étudié lui aussi, et qui fait la da'wa, et qui invite les gens à Allah, et que les gens l'écoutent, et prennent de lui le bien, et ils apprennent des choses de bien de sa part, eh bien, tu devrais être content, hein, du fait qu'il fait, que lui aussi fait des bonnes choses et qu'il invite à Allah. Tu devrais te réjouir de ça. Et tu devrais, hein, yani, faire des souhaiter pour lui du bien et encore plus, hein, de bien. Et espérer pour lui, hein, de faire des doigts pour lui, demander à Allah qu'il accepte de sa part et ainsi de suite. Donc, la jalousie et les envies, ça, c'est si tu vois, par exemple, quelqu'un qui a ce genre de caractéristiques-là vis-à-vis d'autres personnes qui font la da'wa comme lui, alors si c'est dans ce sens-là, alors c'est clair que ça, c'est quelque chose qui indique que la personne, elle n'est pas sincère. Elle fait pas qu'est-ce qu'elle fait, elle ne le fait pas pour Allah. Hein? Et, yani, elle ne fait pas non plus la da'wa pour le nombre de personnes qui vont l'écouter. Bon, dis-moi là, je veux faire la da'wa, puis je veux qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent pour mes durous et pour qu'ils assistent à mes conférences et qui vont venir s'asseoir avec moi, puis là, ils vont apprendre. S'il n'y a personne, ils disent, ah, moi, je ne fais pas de dars. Il n'y a personne, je ne fais pas de dars. Hein, je ne donne pas de cours. Je vais juste donner un cours si au moins il y a un nombre suffisamment grand de personnes qui ça mérite, hein, là ça vaut la peine, je vais faire dars. Mais s'il n'y a personne, non, je ne fais pas de dars. Yanni, pour qui tu fais, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est pour le nombre? Yanni, même si il y a une seule personne qui profite, c'est ça l'important, qu'il y a quelqu'un qui profite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, « La in yahdi allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin ni'am » C'est-à-dire, si yani, une personne est guidée à cause de toi, une seule personne est guidée à cause de toi, c'est meilleur pour toi que les chameaux, toutes les richesses, la richesse des chameaux rouges. C'est-à-dire que les Arabes possédaient rien de plus, qui avait plus de valeur pour eux à l'époque que les chameaux rouges. Ça équivalait pour eux à une grande fortune s'ils avaient ça. Et aujourd'hui, on pourrait comparer ça à yani, par exemple, des gens qui possèdent des voitures de luxe ou bien des grandes propriétés ou des choses qui ont une grande valeur. Hein? Donc ça, c'est plus important. Et comme dans l'autre narration de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Khayrun laka mina dunya wa ma fiha » C'est-à-dire, c'est mieux pour toi si tu guides une seule personne ou plutôt si tu es la cause de la guidance d'une seule personne. C'est meilleur pour toi que la vie d'ici-bas tout entière et ce qu'il y a dedans. Subhanallah. Hein? Donc, pensez à ça. Hein? Ensuite, le cheikh, il dit, donc, que celui qui appelle et qui fait la da'wa, mais pour ses intérêts, hein, et pour des choses de ce genre, alors lui, la da'wa qu'il fait, ce n'est pas pour Allah. Il appelle les gens plutôt à sa propre personne. Hein? Il veut que les gens le suivent lui. Et le cheikh, il a mentionné ça, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans la fin du chapitre, quand il mentionne les points qui sont bénéfiques dans chaque chapitre, à la fin, il y a Al-Masa'il. Et il mentionne ce point-là parmi les points qu'il a mentionnés à la fin. Ensuite, le point numéro 2 par rapport à ce verset-là, « Thaniyan qawluhu ala basiratin » أي على علم بما يدعو إليه وما ينهى عنه وفيه دليل أنه يشترط في الداعية إلى الله أن يكون عالما بما يدعو لأن الجاهل لا يصلح للدعوة لأنه قد يحلل حراما أو يحرم حلالا أو يقول على الله بلا علم فيضلل الناس. Donc le cheikh ici, il explique que le deuxième point qu'on peut tirer de ce verset-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que son prophète, il dit, j'invite à Allah, ala basira. Ala basira, ça veut dire quoi? Al basira, ça veut dire la science, en réalité. Donc ça veut dire, j'invite les hommes à Allah, mais je les appelle et je les invite avec science. C'est-à-dire que la chose à laquelle je les appelle, hein, c'est je les appelle avec science. Quand je leur ordonne quelque chose, c'est basé sur une preuve, c'est basé sur une science de la révélation. Et quand je leur interdis quelque chose, eh bien, je leur interdis selon une science que Allah m'a donnée. Donc, les ulama, ils ont déduit de ça que pour que quelqu'un puisse faire la da'wa, il doit avoir, et ça c'est une condition, il doit posséder de la science. Il doit connaître la chose à laquelle il invite les gens. Si quelqu'un est ignorant, eh bien ça signifie qu'il n'est pas apte à faire la da'wa. Il n'a pas les aptitudes nécessaires pour faire la da'wa et pour inviter les gens à Allah, parce que celui qui est ignorant, il risque de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal. Ou de dire quelque chose à propos d'Allah sans science, et donc par conséquent, il va égarer les gens à cause de ça. Et ça, c'est dangereux. D'accord? Donc, d'appeler les gens et d'inviter les gens à Allah, ça nécessite de la science. Il faut faire attention à ça. Et le troisième point que le cheikh a mentionné par rapport à ça, ثالثاً قوله أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني فيه بيان أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الدعوة يقتضي الدعوة أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الدعوة إلى الله. نعم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة فإن أتباعه يقتدون به ويدعون إلى الله على بصيرة. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit que dans la suite du verset, donc il dit à son messager, dit j'invite à Allah avec science, et il dit ensuite moi ainsi que ceux qui me suivent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que moi, j'invite à Allah avec science, et ceux qui me suivent, c'est-à-dire les musulmans, hein, ils invitent à Allah avec science aussi. Donc, ceux parmi les gens qui ont suivi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils prennent leur exemple hein, dans la da'wa à Allah, et ils suivent l'exemple du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, étant donné que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, invitait les gens à Allah avec science, eh bien, ceux qui le suivent réellement et qui le prennent comme modèle et comme exemple, eux aussi, ils invitent les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala avec science. D'accord? Donc, ceux qui invitent les gens avec science, leur exemple et leur modèle doit être le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça veut dire que si une personne, par exemple, il fait la da'wa avec science, eh bien, il est plus proche de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui parmi les musulmans qui n'invite pas à Allah avec science. Hein? Le point numéro 4, قَوْلُهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَهَذَا فِيهِ أَنَّ الَّذِي يَدْعُ إِلَى اللَّهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنَزِّهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ الشِّرْكِ وَالنَّقَائِسِ وَالْعَيْبِ وَالْعُيُوبِ بأن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء من الأسماء والصفات وأن يحذر من الشرك والرياء والسمعة وأن تكون عقيدته صالحة مستقيمة فالذي عنده ابتداع أو شرك لا يصلح أن يكون داعية لأنه لم ينزه الله عز وجل. Donc le cheikh il dit quatrièmement la parole d'Allah, ensuite quand, dans le verset il dit wa subhanallah. Donc le messager il dit j'invite à Allah avec science moi ainsi que ceux qui me suivent et subhanallah. Qu'est-ce que ça veut dire subhanallah? C'est une parole pour exprimer que yani le fait qu'on purifie Allah, hein? On purifie Allah dans le sens que on purifie notre croyance et on purifie nos actions, mais surtout ici on purifie notre croyance vis-à-vis d'Allah dans le sens que on va on va, disons, éviter et on va s'interdire de mentionner à propos d'Allah tout ce qui ne lui convient pas. Tout ce qui ne lui convient pas, par exemple comme shirk, le fait de lui donner des partenaires et des associés. Donc on doit purifier Allah de ce genre de choses, parce que le shirk, hein, c'est d'attribuer à Allah quelque chose qui ne lui convient pas. Le shirk, ça ne convient pas à Allah. Parce que celui qui fait le shirk, en réalité, c'est comme s'il disait, Allah, il se suffit pas à lui-même. Il a besoin de partenaires pour l'aider. Il a besoin d'associés pour l'aider. Ou bien il partage sa création. Il partage, hein, ce qui a été créé avec d'autres créatures, hein, d'autres choses. Et ça, c'est pas possible. Parce que tout ce qui existe n'appartient qu'à Allah. Et donc, Allah ne partage rien de sa création avec personne. Donc, il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'associé. Il est le seul maître, le maître absolu de tout. Hein? Et quand on dit également Subhanallah, ça veut dire qu'on purifie Allah également de quoi? De tout ce qui est naqa'is. Naqa'is, c'est le pluriel de naqs. Naqa'is, c'est le pluriel de naqs. Et un naqs, ça veut dire yani, les imperfections, hein, les manques, les limitations, les choses qui font que quelque chose est yani, naqis, il est déficient, quelque chose qui est déficient, quelque chose qui est incomplet, hein, qui est incomplet. Donc, quand tu dis que, par exemple, quelque chose, tu dis à propos de quelque chose, tu dis yani, naqasa, naqasa shay'un. Par exemple, tu avais un montant d'argent. Par exemple, on t'a mis un montant d'argent. Et quand tu le comptes, hein, au début, par exemple, tu dis, j'avais 100 dollars. Puis là, tu recomptes l'argent, tu vois que tu as seulement 80. Donc, qu'est-ce que tu dis? Naqasa al-mal. Naqasa al-mal. C'est-à-dire, l'argent, il a diminué. Il y a quelque chose qui manque dedans. Donc, naqs, ça vient de ça. Naqasa, le verbe naqasa. Hein? Yankusu. Ok, donc quand tu dis un naqs, donc ça veut dire quelque chose qui manque. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui manque. Il est parfait, il est complet. Donc il n'a pas de naqa'is. Et al-uyub. Le mot uyub, c'est le pluriel de aïb. Et uyub, aïb, ça veut dire quelque chose qui est yani un défaut, une imperfection, l'aïb. Et c'est dans ce sens-là. Donc, Allah n'a pas de uyub, n'a pas de défaut, n'a pas de, des choses qui ne sont pas des perfections, qui ne sont pas des qualités. Allah n'a que des qualités, n'a que des choses, hein, qui sont des noms qui sont bons et qui sont beaux. D'accord? Donc, quand tu dis Subhanallah, c'est ça que ça signifie. Ça signifie Subhanallah. C'est comme tu dis Subhanallah. Subhanallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah soit purifié de toute imperfection, de tout défaut, de tout shirk, hein, de tout ce qui ne lui convient pas. C'est ça que ça veut dire l'expression Subhanallah. Et vous voyez que parfois, par exemple, dans les traductions, dans la traduction, par exemple, ils disent gloire à Allah. Hein? Gloire à Allah. Donc, ils le traduisent de cette façon parce que qu'est-ce qu'ils veulent dire par gloire à Allah? C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala est trop glorieux pour avoir des défauts. Il est trop glorieux pour avoir des faiblesses. Il est trop glorieux pour avoir des partenaires. C'est ça que ça veut dire, subhanallah. Hein? Donc, qu'il soit purifié, il est purifié de tout ça. Et donc, c'est le verset 108, hein, qu'on explique maintenant dans Surat Yusuf. Donc, je vais juste voir la traduction de Subhanallah, comment ils l'ont traduit. C'est, oui, c'est ça, ils ont dit gloire à Allah. Ils l'ont traduit par gloire à Allah. Sauf que les ulama, ils disent que yani, Subhanallah, ça veut dire yani, antunazzeh, hein, nazzaha, yunazzehu. tanzihan. Donc, tanzih, ça veut dire d'éliminer ou d'enlever tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas propre, tout ce qui n'est pas parfait. D'accord? Vis-à-vis d'Allah. Exactement. Donc, quand tu entends une ambiguïté ou quelque chose dans les invocations, tu glorifies Allah. Donc, tu dis Subhanallah. C'est-à-dire que Allah soit purifié. Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhanahu. Qu'il soit purifié. Wa ta'ala. Et qu'il soit exalté, élevé. Au-dessus de ce qu'il lui attribue. Hein, au-dessus de ce qu'il. Yani, qu'il lui donne comme attribut ou des attributs qui ne lui conviennent pas, ou bien du shirk qu'ils font avec lui. Donc ça c'est Rabi'an. Donc le sheikh il dit, donc on affirme à Allah ce qu'il s'est affirmé pour lui-même dans ses noms et dans ses attributs dans le Coran. Et on affirme à Allah ce que le messager a affirmé à Allah comme nom et comme attribut. Et également, on avertit et on met en garde contre le shirk. On met en garde aussi contre l'ostentation, al-riya. Et on met en garde contre as-sum'a aussi. As-sum'a, c'est le riya, mais par rapport aux paroles. Donc, al-riya, al-riya, c'est par rapport aux actions qu'on fait pour se faire voir. Mais il y a aussi as-sum'a. Lorsqu'on dit des choses dans le but de se faire entendre, pour se faire glorifier. Donc, as-sum'a et ar-riya, c'est dans le même sens. D'accord? Sauf que ar-riya, c'est par rapport à qu'est-ce qui est visible, et as-sum'a, c'est par rapport à qu'est-ce qui est audible, qu'est-ce qu'on peut entendre. Et il dit, « Wa antakuna aqidatuhu, antakuna aqidatuhu salihatan mustaqimatan. » Ok, donc il faut que la aqidah de la personne, la aqidah du musulman, il faut qu'elle soit propre, qu'elle soit bonne, en accord avec la sunna, hein, exempte de toute bid'a, et qu'elle soit droite, hein, sur la droiture. Il dit donc le cheikh que celui qui possède des innovations, ou bien du shirk, hein, son action elle n'est pas faite avec ikhlas, alors la personne dont la personne qui est sur la bid'a ou la personne qui fait du shirk, elle n'est pas apte à être un da'ya et à faire la da'wa parce qu'il n'a pas purifié Allah. D'accord? Donc si par exemple quelqu'un il l'appelle au shirk, un homme par exemple qui adore les tombes, il ne peut pas faire la da'wa, il ne peut pas être un da'ya à Allah parce qu'il fait du shirk. Hein? Quelqu'un qui fait du sihr et qui appelle au sihr et aux superstitions, il prétend qu'il fait la da'wa, il ne fait pas la da'wa à Allah. Hein? Les chrétiens, par exemple, ils appellent, ils disent qu'ils font la prêche, et qu'ils sont des missionnaires pour appeler les gens à Allah. Mais ils n'appellent pas à Allah, ils appellent au shirk. Hein? Donc, c'est ça qui est important. De bien comprendre cet aspect-là, que celui qui n'a pas purifié Allah et qui n'a pas établi le tawhid d'Allah, il n'est pas un da'iya à Allah. Et celui qui également fait des bid'ahs, il n'a pas non plus respecté les conditions. Et le cinquième point qui est le dernier, « Wa ma ana min al-mushrikin »« Qawluhu wa ma ana min al-mushrikin »« Hada fihi anna da'iya yajibu alayhi » البراءة من أهل الشرك وعدم موالاتهم ومحبتهم بل يقاطعهم ويعاديهم في الله عز وجل وأما الذي يزعم أنه يدعو إلى الله ولكنه لا يتبرأ من المشركين بل ربما يدعو إلى الحوار بين الأديان أو التقارب بين الأديان أو ربما يدعو إن ربما يقول إن اليهود والنصارى إخواننا كما قالها بعض الجهال ممن يزعمون أنهم من الدعاة إلى الله أو غير ذلك من المقالات الباطلة فهذا لم يتبرأ من المشركين ويجب عليه أن يتعلم أولا ويدعو نفسه ثانيا ثم بعد ذلك يدعو الناس، لأن الواجب معاداة المشركين، لأن الواجب معاداة المشركين في الله والبراءة منهم ومن دينهم واعتقاد أنهم كفار ومشركون. فهذه الآية فيها عبر عظيمة وأسس الدعوة إلى الله. Donc le cheikh il mentionne comme cinquième point un point important qui est tiré de ce verset là, c'est la partie dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit de dire وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, et je ne suis point du nombre des mushrikines, de ceux qui font le shirk avec Allah, qui adorent d'autres que Allah ou qui donnent des partenaires à Allah dans l'adoration. Donc il y a dans ça le fait que il est obligatoire pour la personne qui fait la da'wa de se désavouer totalement des gens qui font le shirk. Donc tu vas te désavouer du shirk lui-même, c'est-à-dire les gens qui adorent des idoles ou qui adorent des hommes ou des prophètes ou des anges ou des arbres ou des djinns ou peu importe qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Tu te désavoues de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah et tu te désavoues d'eux aussi. Et le cheikh il dit, donc tu te désavoues des gens du shirk et tu ne les prends pas pour alliés et tu ne les prends pas pour supporteurs ou défenseurs ou protecteurs et tu vas pas t'allier avec eux dans leur religion et dans leur croyance et tu vas pas les aimer non plus à cause de leur croyance ou à cause de leur religion ou à cause de leur pratique religieuse qui est basée sur le shirk. Au contraire, tu dois te couper d'eux et t'opposer à eux pour Allah. Tandis que celui qui prétend qu'il invite à Allah, mais qui ne se désavoue pas des mushrikines, et même que certains parmi eux, ils vont même plus loin que ça, et ils disent même qu'ils appellent à un soi-disant rapprochement entre les religions, et qui font un genre de dialogue avec les religions. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par dialoguer? Ils ne veulent pas dire de les inviter à l'islam. Ils veulent juste dire d'échanger avec eux, puis de parler avec eux, pour que chacun, il se flatte le dos. Chacun de son côté, il flatte le dos de l'autre. Oui, vous les musulmans, les chrétiens disent, oui, les musulmans, vous êtes bons, vous êtes bien. Et les chrétiens, les juifs, ils disent aux chrétiens, oui, c'est correct, vous êtes bien, c'est correct, votre religion, elle est bonne. Et les musulmans qui vont dire aux chrétiens, oui, votre religion, elle est bonne et vous êtes correct. Et les musulmans qui vont dire aux juifs, oui, vous êtes correct, vous êtes des croyants, vous êtes correct. Et les juifs qui vont dire aux musulmans et aux chrétiens la même chose. Ça là, c'est basé sur le faux. Parce que l'islam, il ne reconnaît ni le christianisme, ni le judaïsme. Ça ne fait pas partie des religions d'Allah. Ces religions-là sont des religions fausses. C'est des religions qui ont été déformées et qui sont complètement opposées au message que les prophètes et les messagers de ces gens-là ont enseigné en réalité. C'est-à-dire, c'est des déformations de ce que les messagers ont enseigné. C'est pas le réel message que les messagers ont prêcher à ces peuples-là. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de le comprendre. Même le terme judaïsme, il n'existe pas dans la bouche des prophètes. Et ça ne fait pas partie de la religion de Moussa, ni la religion de Ibrahim, ni la religion de Yaqub, ni la religion de Ishaq, ni la religion de Ismaïl. Et ce n'est pas la religion non plus de Nuh. Et ce n'est pas la religion de Adam. Tous ces prophètes, aucun d'entre eux n'ont mentionné qu'ils étaient juifs ou que leur religion c'était le judaïsme. Jamais. Et même que quand on regarde par exemple dans les paroles des historiens par exemple, quand ils parlent quand ils parlent, les historiens, de ces questions-là qui ont rapport avec le terme lui-même, ok, ça y est, je l'ai trouvé. Le terme judaïsme, ils disent sur Wikipédia, j'ai trouvé cet article à propos du judaïsme, et ça dit le terme, bon, le terme, déjà judaïsme, hein, ça n'existe pas déjà dans même dans le mot latin qu'on utilise maintenant pour dire judaïsme. Il faut savoir que le mot judaïsme, ça vient du mot Judas. Hein? Et en hébreu, c'est pas le J, il n'existe pas déjà. C'est en arabe, on dit Yahoud. Et même les Hébreux, les Juifs, ils ne disent pas Juif. Ils disent, en hébreu, ils disent Yahoud. Donc le terme Yahoudismos, ils disent qu'il apparaît pour la première fois dans le deuxième livre, des Maccabées, qui a été rédigé deux siècles avant Jésus-Christ, pour retracer les conflits entre les Judéens et Antiochus 4 de Séleucide, qui a voulu supprimer les mœurs judéennes, généralement traduit par judaïsme. Parce qu'à une certaine époque, il y avait un conflit entre les Juifs. Et l'État même des Juifs était divisé en deux. La Judée, puis le royaume d'Israël. Et un des deux groupes, il voulait adopter le mode grec et les coutumes grecques. Et les autres qui voulaient garder les coutumes les coutumes des Juifs, c'est eux à ce moment-là, qu'on les a distingués des autres en les appelant les judaïstes, hein, par opposition aux hellénismes. Hein. Donc, ils disent, ici, ils disent donc que Antiochus IV, qui a voulu supprimer les mœurs judéennes, généralement, ils disent, traduit par judaïsme, est compris comme la doctrine religieuse des Juifs. Il vient donc en fait s'opposer à l'hellénismos. L'hellénismos, ça veut dire les hellénistes, ça veut dire ceux qui ont la tradition ou les coutumes grecques. Hein? Et il dit que c'était un mouvement d'assimilation des Judéens dans une culture et les valeurs grecques, qui sous-entend l'abandon des caractéristiques qui ont distingué jusque-là l'ethnos judéen, comme l'abhorration de la nudité, la circoncision, l'abstention de manger du porc et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il dit du fait que jusqu'au 4e et 5e siècle, les Judéens sont compris comme un groupe ethnique comparable à d'autres groupes ethniques avec leurs dieux, leurs lois et leurs temples, et non comme les fidèles d'une religion. Non. Donc ça, tout ça, c'est pour expliquer en fait que il n'y a pas une religion qui existait qui s'appelait judaïsme. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a jamais envoyé un prophète avec une religion qui s'appelle judaïsme. Et ça, beaucoup de gens, ils n'ont pas compris. Les prophètes d'Allah, ils étaient tous sur l'islam. Et l'islam, ça veut dire la soumission. Et à la base de l'islam, il y a le tawhid. Et c'est en ça que consiste le message fondamental et le cœur de la religion de l'islam, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et c'est à ça que tous les messagers ont appelé, sans exception, hein, y compris Jésus, hein, dont le message a été corrompu par la suite. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Même le terme christianisme, hein, eh bien, il ne fait pas partie non plus des noms que Allah subhanahu wa ta'ala a révélés. Si tu regardes par exemple l'origine du terme chrétien, hein, et christianisme, il vient d'un terme qui a été mentionné après Jésus. C'était les Romains et les Grecs plutôt qui ont donné ce surnom aux gens qui suivaient Isa, alayhi salam. En les appelant chrétiens parce que ça vient du mot, mais ça veut dire Christ qui veut dire Messie. Hein? Christ qui veut dire Al-Messih. Hein? Donc c'est pour ça qu'eux, ils s'appellent chrétiens dans le sens de ceux qui ont suivi le Messie. Et nous, on les appelle Nasara, hein? Par rapport à la ville d'où ils venaient. Hein? Et donc, c'est ça. Donc, ce qui fait que la religion d'Allah, c'est pas ni le judaïsme, ni le christianisme, mais c'est la religion d'Allah, ça a toujours été l'islam. Il n'y a jamais eu une autre religion que Allah a révélée à un prophète autre que la religion de l'islam. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans plein de versets, « Inna ad-dina 'inda Allah l'islam ». Il n'a pas dit « Inna ad-dina 'inda Allah l'yahoudiya ». Ou bien « Inna ad-dina 'inda Allah al-nasraniya ». Ou bien « Inna ad-dina 'inda Allah ad-diyan mukhtalifa ». Non, il y a une seule religion pour Allah, c'est l'islam, il n'y a pas d'autre. Et tous les messagers que Allah a envoyés, ils étaient tous sur l'islam, sans exception. Jésus, Moïse, Abraham, Jacob, Noé, Adam, tous les êtres humains que Allah a envoyés comme prophètes et messagers pour l'humanité, ils étaient tous sur l'islam, sans exception. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit... Yani dans un autre verset, il dit وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. J'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Donc si celui qui cherche une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Donc ici, le cheikh, il explique ça. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc, celui qui prétend appeler à Allah, mais qui ne se désavoue pas des mouchriquins, eh bien, il dit, celui-là, même comme certains, comme on a dit, ils appellent au rapprochement avec les religions et au dialogue avec les religions, pas dans le but de les inviter à Allah, mais dans le but de dire, oui, vous êtes bien, vous êtes des croyants. Et certains, même parmi eux qui vont dire, et surtout chez les Ikhwan, vous allez entendre ces gens-là, les frères musulmans, la secte des frères musulmans, quand ils parlent aux juifs et aux chrétiens, ils font toujours des trucs de rapprochement avec eux. Et qu'est-ce qu'ils disent dans leur réunion avec les chrétiens et les juifs? Ils disent, c'est nos frères. Hein? Les chrétiens et les juifs sont nos frères, ils disent. Et ça, le cheikh, il dit, ça c'est la parole des ignorants. Ça, ce n'est pas la parole des savants, ce n'est pas la parole des du'at, ce n'est pas la parole de ceux qui invitent à Allah. Hein? Ils organisent, les ikhwan, des conférences dans lesquelles ils vont parler aux gens et ils vont inviter également pour parler des juifs prêtres, des juifs, des rabbins juifs et des prêtres chrétiens. Donc, ils vont faire une conférence, ils organisent une conférence, et là, il va y avoir, soi-disant, un imam. À côté de lui, il y a un prêtre, et à côté, il y a un rabbin. Et tous les trois, ils sont assis à la table, et chacun, ils vont parler. Hein? Donc, vous imaginez l'égarement qu'il y a là-dedans. Et il n'y en a pas un qui va dire la vérité par rapport à ce que Allah a révélé dans ces points-là. Même le musulman qui est assis avec eux là à la table, il ne va pas leur dire, vous êtes dans l'égarement, vous êtes dans le coffre, et que si vous acceptez pas l'islam, vous allez en enfer. Il y a aucun qui va leur dire ça. Alors où est-ce qu'elle est la da'wa dans ce cas-là? C'est pas ça la da'wa. Si tu dis à des kuffars et à des mushrikins, oui, votre religion elle est bonne, vous êtes des croyants, alors comment tu les as appelés? Tu les as appelés à quoi? À rester dans leur religion de shirk et de kofr, et à rester dans leur ignorance et à leur égarement. Donc ça, ce n'est pas de la da'wa. Hein? Et ce n'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et donc le cheikh, il dit, donc ces égarés-là et ces ignorants-là qui prétendent inviter à Allah, et d'autres également parmi les paroles de fausseté et d'égarement qu'on entend de la part de ces gens-là, ils ne se sont pas donc désavoués des mouchriquins. Hein? Et ils n'ont pas réellement appliqué la signification de ce que dit ce verset-là. Wama ana minal mushrikin. Je ne suis point du nombre des mushrikin. Ce n'est pas vrai qu'ils ne sont pas du nombre des mushrikin s'ils croient que les mushrikin, leur religion est bonne, que leur religion est correcte, que leur religion est acceptable, hein, et que Allah l'accepte. A'udhu billah. Donc, c'est obligatoire pour lui d'apprendre en premier. Et ensuite d'appeler sa propre personne à Allah en premier, puis ensuite, après, une fois qu'il aura fait ça, il pourra appeler les hommes. Mais s'il n'a pas commencé par ça, yani, il ne peut pas être parmi les gens qui appellent à Allah. Donc c'est pour ça que c'est important de dire ça aux gens, que yani, si vous voulez apprendre aux gens la religion, commencez par apprendre la religion vous-même. Et, hein, commencer à vous appeler vous-même à Allah, et ensuite vous pourrez appeler les autres. Et l'obligation aussi, c'est d'avoir les mushrikines en animosité à cause de leur shirk et de leur kufr vis-à-vis d'Allah, leur fausse croyance vis-à-vis d'Allah. Tu dois détester ça. Tu peux pas dire, moi, j'ai aucune animosité contre les Juifs et les chrétiens par rapport à leurs croyances. J'aime tout le monde et j'aime, peu importe leurs croyances, tout le monde est mon frère, tout le monde est mon ami. Celui qui dit ça, il n'est pas croyant, il n'est pas moumine. C'est clair, ça. Hein? Parce que ça veut dire que pour toi, il n'y a rien qui est sacré, il n'y a rien qui est important, il n'y a rien qui est vrai. Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas un faux. Parce que ça veut dire que pour toi, la vérité et le faux est à égalité. Et ce qui est faux mérite autant d'être respecté que ce qui est vrai. Alors où est-ce qu'il est le respect de la vérité? Comment tu peux prétendre respecter la vérité si tu respectes aussi le faux? Ou que tu respectes le faux de la même façon que tu respectes le vrai? Yani, subhanallah. C'est comme par exemple, supposons que tu as deux élèves et que toi tu es un professeur. Et qu'il y en a un, il réussit, il a 100% dans son examen et l'autre, il a zéro. Puis aux deux, tu leur donnes une récompense, la même récompense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de mettre la réussite et l'échec au même degré. Comme si pour toi, ça ne dérange pas du tout si quelqu'un il échoue ou s'il réussit. Et là, c'est comme tu dis, quelqu'un qui est dans le coffre, hein, il est dans l'égarement, puis tu dis, oui, lui, je l'aime autant que celui qui est sur le tawhid. C'est ça que beaucoup de musulmans, ils ont comme égarement. Ils disent, moi, l'important pour moi, c'est le comportement. Même si, par exemple, le musulman, il est musulman, mais si, par exemple, il me fait une injustice ou il me fait quelque chose de pas correct, je vais le détester plus que le chrétien si le chrétien, lui, hein, il agit bien avec moi. Il oublie que le chrétien, c'est un mushrik kafir qui a renié Allah et qui a associé avec lui dans l'adoration, qui a annulé, donc ce qui fait que ses œuvres sont toutes vaines, sans exception. Tandis que le musulman, tu détestes l'injustice qu'il fait et le péché qu'il fait, mais tu continues à l'aimer par rapport à son islam et par rapport à sa foi, parce que c'est ton frère en Allah. Il a des péchés, mais au moins les bonnes œuvres qu'il a, Allah va lui calculer. Tandis que le mushrik, le kafir, le chrétien ou le juif, même s'il fait toutes les meilleures actions du monde, et même s'il est bien, aucune de ses bonnes actions ne sera calculée pour lui au jour de la résurrection, parce qu'il a ce que Allah a interdit de plus grave, le shirk et le kufr. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre parce que beaucoup de gens, ils ne voient que les choses matérielles, que les choses extérieures, que les choses de façon superficielle et ils ne regardent pas les choses, hein, dans leur profondeur et dans leur réalité. Effectivement, comme si effectivement Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le paradis et l'enfer pour une raison, pour une sagesse. Il les a pas créés pour rien. Et si c'est comme qu'est-ce que eux ils pensent, ça voudrait dire que y a personne qui va aller en enfer. Donc l'enfer pour eux va être vide. C'est seulement tout le monde va aller au paradis. Donc l'enfer a été créé pour quoi alors? Pour rien. Et le paradis, ben ceux qui font, même ceux qui font les péchés, ils vont autant être récompensés que ceux qui ont fait le bien. Alors, où est-ce qu'il est la valeur de faire le bien dans ce cas-là? Si celui qui fait le kufr et le shirk et qui fait le mal, il est récompensé lui aussi comme celui qui a fait le bien. Les deux vont au paradis, ça fait pas de sens. Hein? Ça fait aucun sens. Donc, voici les points que le cheikh a mentionnés à propos de cette sourate. Et donc, ça, c'est très important. Maintenant qu'on a terminé ce petit tafsir avec quelques commentaires qu'on a rajoutés pour clarifier, maintenant on va lire la suite de l'explication du cheikh Abdurrahman ibn Hassan à propos de ce verset. Et il cite l'imam ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir. Il dit: Wa qala Abu Ja'far ibn Jarir, yaqulu ta'ala, yaqulu ta'ala dhikruhu. لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوة ها هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي يرحمك الله أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا ومن اتبعني صدقني وآمن بي وسبحان الله يقول تعالى ذكره وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين يقول وأنا بريء من أهل الشرك به وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لست منهم ولا هم مني انتهى كلامه رحمه الله. Donc voici le cheikh ici, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il a cité le passage des paroles de l'imam Abu Ja'far al-Tabari, ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir, à propos de ce verset. Et qu'est-ce qu'il explique l'imam al-Tabari dans ce tafsir? L'imam al-Tabari, c'est un imam parmi les imams des salafs. Et il fait partie des ulama al-mujtahidin. Et son tafsir, c'est un des tafsirs, on dit c'est le plus ancien des livres qui ont été rassemblés à propos du tafsir du Coran. Tous les ulama qui sont venus après lui et qui ont mentionné le tafsir basé sur les narrations, ils se basent sur son tafsir. Parce que lui, pour chaque tafsir qu'il a ramené des salafs, il les a mentionnés avec la chaîne de transmission. Chaque parole qu'il dit à propos d'un verset, il ramène la chaîne de transmission de chaque parole, de chaque parmi les imams de tafsir. Donc ça, c'est un des tafsirs les plus anciens, les plus importants. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Tabari par rapport à ce verset-là? En fait, quand on regarde le tafsir, comment il le fait, il va donner le sens du verset en mettant entre chaque parole des explications qui vont donner un contexte général au verset. Donc, par exemple, c'est comme si on le lit, par exemple, on voit que il incorpore entre les parties du verset des explications. Comme il dit par exemple, قُلْ يَا مُحَمَّدْ, il rajoute يَا مُحَمَّدْ. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « dit », c'est-à-dire « dit au Muhammad », Allah, il s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui ordonne de dire cette parole-là. « هَذِهِ الدَّعْوَةُ الَّتِي أَدْعُ إِلَيْهَا » هَذِهِ, donc ce pronom, « هَذِهِ », c'est un pronom démonstratif, pour ce qui est proche, on l'a appris. Hadihi, cette da'wa à laquelle j'invite, wa tariqa, et la voie et la méthode et le chemin que j'ai emprunté, hein, d'inviter les gens au tawhid et d'appeler les gens à purifier leur adoration pour lui seul, en dehors des idoles, et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et de se limiter et de s'arrêter à l'obéissance, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de délaisser sa désobéissance, sabili, c'est ça, c'est mon chemin, c'est tout ça, c'est mon chemin, wa tariqati wa da'wati, c'est ça ma voix et c'est ça mon invitation, c'est à ça que j'appelle. Ad'u ila Allah wahdahu la sharika lah, j'invite à Allah lui seul, sans associé, sans partenaire. Wa ala basiratin, avec science et avec certitude et conviction de ma part en cela. Ana, hein, moi j'invite à cela avec science, hein, et également ceux qui m'ont suivi dans cette voie et qui ont cru en moi, hein, et qui ont reconnu la véracité de ce à quoi j'appelle. Wa subhanallahi, et que Allah soit purifié. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, en purifiant Allah et en glorifiant Allah, hein, et en mentionnant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, en mentionnant donc gloire à lui de posséder ou d'avoir des associés dans son royaume ou dans son adoration, qui mériterait quoi que ce soit de l'adoration en dehors de lui, ou dans sa puissance, non, il n'a pas d'associé. Ça va, Shu'aib? Alhamdulillah. Wama ana min al-mushrikin. Et je ne suis pas du nombre des mushrikin. Je ne suis pas du nombre de ceux qui font le shirk avec Allah et qui adorent d'autres que Allah. C'est-à-dire que le shaykh dit, c'est-à-dire qu'il dit, et je me désavoue des gens du shirk. Et je ne fais pas partie d'eux et eux ne sont pas de moi. Hein? Donc ça, c'est la fin de l'explication de ce tafsir ici par rapport à ce verset dans le tafsir de At-Tabari. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait quelques commentaires ici par rapport à cette explication-là. Il dit par exemple « وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَصَدَّقَنِي وَأَمَنَ بِي » Il m'a suivi. Moi ainsi que ceux qui m'ont suivi, il dit, qui ont cru en moi et qui ont reconnu la véracité de ce à quoi j'appelle, il dit فَمَنْ لَمْ يَدْعُوا إِلَى اللَّهِ وَعِنْدَهُ عِلْمٍ وَعِنْدَهُ بَصِيرًا فَلَيْسَ عَلَى طَرِيقَةِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc il dit le cheikh que si quelqu'un par exemple, il a de la science, il a de la compréhension de la religion, mais qu'il n'invite pas les gens à Allah, alors il n'est pas sur le chemin du messager, صلى الله عليه وسلم. Il faut qu'il appelle au chemin d'Allah et au tawhid d'Allah pour faire partie de ceux qui l'ont suivi s'il a de la science. Et le cheikh dit ensuite, à propos de la partie du verset où il dit « وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » Je ne suis pas du nombre des mushrikines. Il dit « لِذَلِكَ عَلَى الدَّعْيَةِ أَنْ يُنَزِّهَ اللَّهِ وَأَنْ يُعَظِّمَ اللَّهِ عَنِ الشِّرْكِ وَعَنِ التَّعْطِيلِ وَعَنِ التَّمْثِيلِ وَأَنْ يُثْبِتَ لِلَّهِ مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم وَيَنْفِي عَنِ اللَّهِ مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ نَفَاهُ عَنْهُ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم وَلَا يَقُولُ أَنَا لَا أَتَعَرَّضُ لِعَقَائِدِ النَّاسِ. إِذَنْ مَا هِيَ الدَّعْوَةُ مَا هِيَ الدَّعْوَةُ إِذَا صِرْتَ لا تتعرض لعقائد الناس وتبين الحق من الباطل فما فائدة دعوتك. Donc le cheikh il explique, hein? Naam, Allahu Akbar, Cheikh Al-Fawzan hafizahu Allah, il est comme ça, il est clair, il est direct dans ses explications. Il dit ici donc que c'est pour ça que le da'ya, il doit glorifier Allah et purifie Allah de toute forme de shirk et de toute forme de négation de ses attributs et de ses noms et de toute forme de comparaison ou de ressemblance entre lui et sa création. Et il doit affirmer ce que Allah a affirmé pour lui-même comme nom et attribut, et affirmer également tout ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé comme attribut à Allah et à son messager, tout ce que le messager a affirmé à Allah comme nom et comme attribut, et nié à Allah tout ce que Allah a nié vis-à-vis de sa personne, comme dans ses noms et dans ses attributs, qu'est-ce qu'il a nié, et nié également tout ce que le messager a nié à propos d'Allah. Donc, qu'est-ce que Allah et son messager ont affirmé? Tu l'affirmes à propos d'Allah. Et qu'est-ce que Allah et son messager ont nié, hein, à propos d'Allah? Eh bien, on le nie. On affirme ce qu'il a affirmé, on nie ce qu'il a nié. Et il dit, et on ne va pas dire, comme certaines personnes, « Ah, moi, je ne vais pas m'attarder à la croyance des gens, ou je ne vais pas toucher à la croyance des gens. » Hein? Je ne vais pas me mêler de la croyance des gens. Le cheikh, il dit, donc dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Si tu dis, je ne me mêle pas de la croyance des gens, alors dans ce cas-là, c'est quoi ta da'wa? Il est où ta da'wa dans ce cas-là? Hein? Yani, tu dois, yani, si tu ne clarifies pas la vérité de qu'est-ce qui est faux, alors elle est où l'intérêt et le bienfait dans ta da'wa dans ce cas-là? À quoi ça sert ta da'wa? Si quand les gens ils sont dans le faux, tu ne leur clarifies pas la vérité, ça ne sert à rien dans ce cas-là. Ce n'est pas une da'wa, ça. Hein? Donc, les gens, par exemple, qui disent non, on ne se mêle pas des autres, on ne se mêle pas de la croyance des gens, chacun. Et des fois, tu vas trouver ça, ces commentaires-là, surtout à notre époque. Quand tu vas parler, par exemple, si tu es musulman, tu vas critiquer les chrétiens ou leurs croyances et le christianisme. Tu vas critiquer, par exemple, des fausses croyances chez les juifs. Et il y a des gens qui vont répondre. Hein, ça m'est souvent arrivé, par exemple, si j'ai écrit quelques commentaires à propos des juifs ou des chrétiens ou d'autres religions sur Twitter, par exemple. Et là, je lis les commentaires de certains qui répondent. Et je vois, par exemple, que les chrétiens qui disent « Hey, le christianisme, là, ça ne te regarde pas. Parle pas des chrétiens. Et parle pas du christianisme. C'est pas ta religion. Parle de ta religion seulement. Hein? » Alors qu'en réalité, non, c'est pas vrai. Si les chrétiens, ils disent des choses qui sont contraires à la vérité et qu'ils croient en des choses qui sont fausses, eh bien, c'est le devoir de celui qui est capable de le dénoncer, de le condamner et de le clarifier et d'expliquer la vérité. D'accord? Que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Que ça les choque ou que ça les choque pas. Que ça les dérange, peu importe. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que si parmi eux, il y en a qui sont sincères et qui acceptent la vérité, ils vont le reconnaître. Mais si parmi eux, il y en a qui suivent leur passion et leur désir, qui refusent qui acceptent de... S'il y en a parmi eux des gens qui sont sincères et qui vont accepter la vérité, ils vont dire oui, ça c'est vrai. Sinon, s'ils s'enflent d'orgueil et puis ils deviennent arrogants et puis ils veulent rejeter la vérité parce qu'ils disent ah, yani, lui là, de quoi il se mêle, hein? Eh bien là, ça c'est dans ce cas-là, yani, c'est tant pis pour eux. Mais on n'a pas, comme certains qui disent non, chacun il a sa religion, il ne faut pas parler des religions des autres. Regardez, par exemple, maintenant, qu'est-ce qui se passe en France. Certains parmi les koufars qui sont en train de discuter au sujet du droit de blasphème. Et que est-ce qu'on a le droit, par exemple, de critiquer les religions? Parce qu'il y en a qui veulent avoir le droit de critiquer les religions. Hein? Eh bien, si, par exemple, c'est un athée qui veut insulter les religions, ils disent « oui, il a le droit ». Mais quand c'est un musulman qui montre les erreurs et les égarements des juifs, qui montre les erreurs et les égarements des chrétiens, hein, ou même qui veut critiquer aussi les erreurs et les égarements dans la laïcité ou dans les lois de la République, hein, et des croyances, des erreurs et des égarements qu'il y a dans la démocratie, dans leurs croyances républicaines, ah, là, tout d'un coup, il n'a pas le droit de critiquer, il n'a pas le droit de parler. Hein? Alors qu'on critique, non pas avec des insultes ou des dénigrements ou des moqueries ou des caricatures, non. On critique avec des arguments, rationnelles et des preuves coraniques et des versets et des hadiths, et on réfute avec des arguments logiques aussi pour montrer les égarements des autres, pas avec des moqueries comme eux, pas avec des insultes et des mauvais mots, comme si ça ajoutait quelque chose ou ça enlevait quelque chose. Le fait de dire à quelqu'un qu'il est stupide, ou de critiquer sa religion en disant « Ah, ta religion est stupide », ça, ce n'est pas un argument et ça, ce n'est pas une preuve. Et si je dis à un chrétien ces choses-là, est-ce que ça lui donne des points pour le convaincre de qu'est-ce que je dis? Pas du tout. Le fait de l'insulter ou de le dénigrer de cette façon, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que lui, il va vouloir accepter la foi, qu'il va vouloir accepter la vérité. Par contre, si je lui montre des preuves et des arguments qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala est unique et qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré en dehors de lui, qu'il n'a pas d'associé ni de partenaire, qu'il n'a pas de fils, qu'il n'est pas une trinité ou divisé en trois, mais qu'il est unique, et qu'il n'a pas de fils ni de mère, contrairement à ce que les chrétiens prétendent, eh bien, avec ses arguments, avec ses preuves, eh bien là, ça peut les amener à accepter la vérité. Mais si je fais juste me moquer d'eux, de les dénigrer, de les insulter, de leur lancer des injures ou de faire des blagues sur eux, c'est pas ça qui va les faire accepter la vérité ou qui va les convaincre que ce que je suis en train d'expliquer est la vérité. C'est pour ça que il est important pour nous de se concentrer sur les preuves et sur la science. Et la science, quand je dis la science, c'est-à-dire la science de la religion, la science du Coran, la science de la Sunna, et d'expliquer aux gens les arguments que Allah a mentionnés dans le Coran, dans la Sunna, pour convaincre les kuffars, convaincre les mushrikines, convaincre les juifs, convaincre les chrétiens de la véracité de l'islam et du message des messagers d'Allah. Ensuite, le cheikh, il explique... On était rendu au point numéro 3 ici, donc il dit, après avoir cité ça, il dit « Wama ana min al-mushrikin ». C'est-à-dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a ordonné de se désavouer des mushrikin, de dire « Je n'ai rien à voir avec vous et vous n'avez rien à voir avec moi. Tant que vous êtes sur l'idolâtrie, tant que vous êtes sur le shirk, je ne veux rien savoir de vous, dans le sens que je ne vais pas être d'accord avec vous sur ce que vous faites et vous n'allez pas être d'accord avec moi parce que vous acceptez pas la vérité. » Donc ça, c'est un désaveu sur ce plan-là. Malgré tout, ça ne veut pas dire que je ne vais pas les inviter à la vérité. Je me désavoue d'eux, mais je continue à les inviter malgré tout à la vérité pendant ce temps-là. Et le cheikh, il dit, cheikh Al-Fawzan, il dit, « Wal mushrikouna sawa akanu min al-wathaniyin ou kanu min ahlil kitab fa innahu » يُتَبَرَّعُ مِنْهُمْ. Donc il dit, le cheikh Al-Fawzan, les mushrikoun, peu importe qu'ils soient parmi les idolâtres ou qu'ils soient parmi les gens qui ont reçu un livre auparavant comme les juifs et les chrétiens, eh bien, il faut se désavouer d'eux sans distinction. C'est-à-dire qu'on se désavoue des koufars et des mushrikines sans distinguer entre les idolâtres qui sont les païens, soi-disant, ou les gens du livre, ceux qui sont des koufars mais qui ont reçu un livre auparavant. Les deux sont des koufars et on doit tous se désavouer d'eux de façon générale. Même si les gens du livre sont plus proches des musulmans que les bouddhistes, les hindous, les animistes, et ces gens-là qui ont pas cru en aucun messager, par exemple. Donc ça, ça n'empêche pas que malgré qu'ils ont cru en des messagers précédents, mais ils sont malgré tout des kuffars et des mushrikines quand même. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera la suite au prochain cours, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, fais le adhan, inshallah.